Pan Gangsu, président du comité de la coopération économique nationale, a publié le 27 mai un entretien. Il a dit que le maréchal Kim Jong-un a précisé clairement dans son rapport historique du 7e congrès du Parti travail de Corée l'orientation et les moyens pour édifier le plus tôt possible un État puissant, réunifié, indépendant et prospère, désiré par tous nos compatriotes, et que la réunification de la patrie est le vœu et le dessein de toute la vie du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, et que la triple charte de la réunification de la patrie représente la synthèse des espoirs mortels, du dévouement et des grands efforts des grands leaders qui ont œuvré pour réunifier le pays par les propres forces de notre nation et d'agiter. À l'heure actuelle, en Corée du Sud, beaucoup d'entreprises qui étaient à la tête de la coopération économique Nord-Sud sont en faillite et les main-d'œuvre et les richesses à être versées à la prospérité commune de la nation sont épuisées à la confrontation fratricide. Si les accords Nord-Sud étaient appliqués comme ils font, les rapports ne se trouveraient pas dans la pire situation catastrophique comme aujourd'hui, et de grands progrès seraient obtenus pour la prospérité commune de la nation. Quand le Nord et le Sud unissent leurs efforts, notre nation peut rejeter bel et bien les forces extérieures et ouvrir une nouvelle époque de la prospérité de la nation. Considérons la ligne et l'orientation de la réunification de la patrie avancée par le maréchal Kim Jong-un lors du 7e congrès du parti comme l'unique et le meilleur programme de réunification du pays. Notre nation édifiera à coup sûr une patrie réunifiée puissante et prospère sur ce sol par la force de l'indépendance nationale et de la grande union nationale.